personne me freine. Je prends les rênes de mon avenir, personne me freine. J'entraîne à rire devant ma glace toute la semaine. Réalise mes rêves dans un fantasme audiovisuel, Audimat mensuel. J'espère pouvoir acheter des nouvelles boots classiques sensuelles. Quitte à tuer tous les industriels, convertis les pervertis, fort tout ce matériel. Car le surplus est une drogue dure, la violence est nocturne. La planète, plus de la moitié du temps est obscure. Mis de côté des calculs mathématiques, cinquième enregistrement, un projet magnifique. Engagé et l'astronaute qui tape la zig, baf la prod, j'en deviens amnésique. Yeah. Oh my god! Hey yo, regarde bien qui on dans la salle. Faut pas que tu crois que je blague. Si quand je débarque dans la place, je m'installe dans la sci-fi. 360 degrés de perfection, son fin, leçon de vie. J'utilise ma réflexion pour avancer. Mentalement et physique, je deviens fort. Si vidons la force invisible me rend physique, j'anticipe et je calcule la mathématique suprême. J'ai que le but est pas une, mais mes pensées sereines tout. Dans la semaine, je bosse dur, je garde ma posture. Les semelles sur terre et mes pieds dans mes chaussures. Je pars et je marche avec la base, man, des massages auditifs que tu n'auras pas chez les Thaïlandaises. On taille nos pièces, des diamants bruts, des fils de pute qui veulent nous test. Amis, prends le tram, il faudrait presque qu'on se tire d'ici pour construire Easy Novi et revenir en force avec Easy Money. Au lit, ma main, soit je dors, soit je baisse. C'est comme dans la rue, fils, soit t'es mort, soit tu pèses. Au lit, je tente ma chance comme au poker. Les vrais kiffs, comment j'opère. Au microphone, toujours actif, je fais de la pub aux frères qui tapent au foot corner. À toute la famille Benatia et m'amène-toi mi bulldozer. Game over enfoiré, on est des putains de players. BN City baby, ici là oui des meilleurs, hein. Big up à tous les fers qui nous soutiennent. Depuis la première graine jusqu'au top, ce qu'elle nous ramène. Hey yo, ésotérisme lyrical, métamorphose linguistique, braquage auditif parfois vocal. Hey, en attendant la grande réserve, paix à tous mes gens de Nido jusqu'à Mach, que Dieu vous préserve. Yeah. Des lyrics formels, une structure anormale, parfois les énergies différencient le bien du mal. De façon complètement aléatoire, faut que les péchés, faut que les gloires, que tu penses se reflètent dans ton miroir. Mi blanc, mi noir, seul Dieu peut me juger. Plus de temps à perdre, trop de rage à évacuer. Mais bon, là n'est pas la question. L'au-delà où c'est porte à la manipulation. Des stratagèmes mis en place, mais la base nique ta face. Ah, Kouriaka, Kouria, c'est efficace. Comme un chou, mon but de blase gravé sur mon blouson. Chou comme us, fidèle, tels sont nos traditions. Kouriaka, but sponsor, rien à foutre et rien à battre. Dédicace à tous mes gens du 02 au 04. Les rappeurs font les shows, mes genoux se sont fait quête. Ça vient de la rue du four aux hirondelles. Route des Gertel, ma ville de Vienne. Le camp de concentration où j'ai grandi. Faut pas croire que tu peux venir faire ton bandit avec nous. Comme est tout rendez-vous compte, quand vous donne le rendez-vous, c'est juste pour régler nos comptes. Dédicace à Ghetto Fabs, à Bizi, Jay à Dizzy, néfaste thématique, y'a pas de faux cul ici. Le ZAR et la Hordor, on reste en forme, la vie c'est un combat. J'ai ma protection comme un condom, les ondes sonores comme une balle, fusil à pompe, les puristes dans l'ombre, qui tapent dans les usines du sang. 24 sur 7 dans ma tête, ça tape dur. Si tu veux du lourd, tu comptes sur nous, y'a pas d'adieu. Je tape pour arriver au sommet de l'art. Putain, je suis trop dingue, dis-moi au sommet de l'art. Demande à mon mort débrouillard depuis la naissance. Mon rap est dans mes compétences, faut que j'étends ce putain de style dans toute la vie. Pour tous les gars qui deal, qui te braquent pour un AP1000, ne pense pas aux conséquences. Car connaissance immense dans ce domaine. Le rap c'est comme mon jardin, je me promène. J'aime l'odeur de l'herbe sèche, le goût de la pierre fraîche. Et poser mon putain de cul au bord de la mer, wesh. Cousin, ça fait un bail. Un tas de cailles, ne sont pas de taille. Veulent me braquer, mais dans ma banque, je mets la maille. Alors choper l'assiette de poulet dans le frigo, c'est tout ce qui reste avec un peu d'eau fraîche et du sirop. T'inquiète pas, ce putain de plomb, j'en ai des kilos. Production naturelle avec une feuille et un stylo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Coming through my